Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je danse quand je droite, petit pas, tu kiffes. T'aimes pas mes sons, mais quand tu me vois, tu me kisses. Tout le monde t'aide pour monter, mais personne te ramasse après quand tu glisses. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je danse quand je droite, petit pas, tu kiffes. T'aimes pas mes sons, mais quand tu me vois, tu me kisses. Tout le monde t'aide pour monter, mais personne te ramasse après quand tu glisses. Derrière, mec, faut t'en aller. Armes russes, visière teintée, ils sont pas venus parler. Non mais, espèce de fou, tu voulais me voir couler, mais t'as pris un coup. J'aime ce que je fais, des fois ça déplaît, j'ai une envie de tout péter. Les mecs ont des coups, je sors du route, on me dit que c'est good. Les bandeurs d'hommes et leur vie me dégoûte. J'entends que ça m'écoute et après ça critique. Les langues pendues, il faudrait plus qu'on m'écoute. Mais comment faire tu gris? Victime d'harcèlement à force de briller. Désolé, mais là faut dire ski. Pas sur la neige que les gens aiment ski. À mode brigade, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi dans ma qu'est-ce qu'il y a. Ma voix 1, 3, 5, 7. Je suis en train de l'équiper. Cache le shit dans la cave. Marseille c'est chaud, il le savent. Interdit de parler en cadavre. Mais c'est pas la misère, c'est brave. C'est pas le cave. Mec simple, corps sur la mer. On m'a trahi, j'ai dit c'est pas grave. J'fais des rêves bizarres. J'vois mes frères sortir du mitard. J'rêve que le monde est à vol. La larme à l'œil, j'regarde une avec un cigare. Qu'est-ce que j'serai dans 10 ans? Qu'est-ce que j'serai dans 10 ans? J'regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que j'serai dans 10 ans? Connu, tu voulais faire confiance à l'ennemi. Désolé, je voulais t'aimer, j'en ai gâché ma vie. Gâché ma vie, j'ai écouté les avis. J'ai compris, appris, j'ai vu les bruits, les faux amis. Connu, tu voulais faire confiance à l'ennemi. Désolé, je voulais t'aimer, j'en ai gâché ma vie. Gâché ma vie, j'ai écouté les avis. J'ai compris, appris, j'ai vu les bruits, les faux amis. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Dans 10 ans, peut-être que tout le monde m'aura oublié. Quand je vais prendre un coup, quand je vais me faire crier. Je suis venu au monde sans demander pourquoi. Je repartirai comme 700 dans le cendrier. Ça brise des cœurs, que ça vide un chargeur. Fais gaffe la rue, j'suis ton échappeur. J'suis dans le rap, pas dans la barrière. Est-ce que je ferai plus de vagues que mille de femmes? Moi je fais ci, moi je fais ça. J'nique tout le monde, mais tu crois que t'as le corps acquis. Tu t'avances sur tout, mais faut savoir que dans la vie, rien n'est encore acquis. Mais tu peux faire pire encore. Ça tire que ça tire que ça tire que ça tire que ça tire. Tu peux être qui tu veux, pas pitié pour la balle perdue qui entre dans ta voiture. Pour les désormais la teinture. Faire des os c'est un peinture. Je montrerai encore du peinture. Car j'ai connu les temps, fallait serrer la ceinture. Pas solo, la crise au mic sur le polo. Ça braque tout ce qui rapporte. Et ton poste, tu vois des mecs qui dans le polo. J'suis pas 10 heures à follow ma life pour le beurre. Voler, coro, ma caille pour tenir la mitrailleuse. J'fais gaffe aux dalleuses, racailleuse, jalouse. J'veux une télé, ça mène qu'aux apodés en Andalouse. Car j'vis dans le blues et j'balance pas un peu comme bébé. Un œil sur moi pour voir avec qui j'partage ma bouteille de 100 pépé. J'aime pas être endetté quand y'a pas de journée tous mal. J'suis pas les ordements et en plus j'suis trop loin pour écouter ces trous de pas. Je crois que tu bois du kiff. T'aimes pas mes sons mais quand tu me vois tu me kisses. Tout le monde t'aide pour monter mais personne te ramasse après quand tu glisses. J'vis un peu comme j'peux, j'suis comme un alcoolique qui sait marcher droit. T'as pas TV une top mais une fille contre j'ai dit rentre-toi. Connu, tu voulais faire confiance à l'ennemi. Désolé, je voulais t'aimer, j'en ai gâché ma vie. Gâché ma vie, j'ai écouté les avis. J'ai compris, appris, j'ai vu les vrais, les faux amis. Connu, tu voulais faire confiance à l'ennemi. Désolé, je voulais t'aimer, j'en ai gâché ma vie. Gâché ma vie, j'ai écouté les avis. J'ai compris, appris, j'ai vu les vrais, les faux amis. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je danse gauche, droite, petit pas, tu kiffes. T'aimes pas mes sons, mais quand tu me vois, tu me kisses. Tout le monde t'aide pour monter, mais personne te ramasse après quand tu glisses. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je regarde le passé en 10 ans. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Je danse gauche, droite, petit pas, tu kiffes. T'aimes pas mes sons, mais quand